Chapitre 15. Heureusement pour Marthe, son conducteur n'était ni bavard ni curieux. Ce qu'il avait appris lui suffisait. Il n'avait pas envie d'en savoir davantage. On lui avait donné 20 francs pour aller à la marque, qui se trouvait vis-à-vis de Blaye. Il était satisfait. Que ce fût Mademoiselle Denis ou une autre qu'il conduisit, peu lui importait, puisqu'il était payé d'avance et n'avait pas peur de perdre son argent. Assis sur le premier banc de la carriole, tandis que Marthe était placée sur le dernier, il se mit à siffler et, sans s'interrompre, sans changer d'air, il arriva à la marque, toujours sifflant. Quand il s'arrêta de siffler, son cheval s'arrêta de marcher. C'était à croire que le cheval et l'homme étaient une mécanique à musique, comme on en fabrique pour les enfants. Marthe fut tellement satisfaite de cette façon de voyager qu'elle lui mit 10 francs dans la main. « Merci, mademoiselle Denis, dit le fils à la Genet. Je vais boire un verre à votre santé. On disait que vous étiez généreuse, ça se trouverait. Si vous avez besoin de moi une autre fois, à votre service. » La traversée de la Gironde prit plus de temps que Marthe n'en avait compté, et quand elle arriva à Blaye, la diligence qui faisait la correspondance du chemin de fer venait de partir. Il fallut qu'elle se mît de nouveau à la recherche d'une voiture. Mais à Blaye, la chose était facile. Cependant, elle eut le désagrément de se promener seule par la ville, allant d'hôtel en hôtel, sous le regard curieux des désœuvrés, qui suivaient des yeux cette jeune femme et faisaient des commentaires en riant. Les cloches sonnaient la messe, et les dévotes qui se rendaient à l'église la regardaient avec une curiosité scandaleuse. Pourquoi courait-elle les rues au lieu d'aller à l'office? Enfin, elle trouva un loueur de voiture qui voulut bien lui donner une américaine à 2 chevaux pour la conduire à Libourne. Comme elle ne marchandait point, le marché fut vite conclu. Elle avait cru que ce serait le loueur lui-même qui serait son cocher, mais quand elle vit celui qu'on lui donnait, elle eut un mouvement d'hésitation et fut sur le point de renoncer à son projet. Ce cocher était un grand garçon à cheveux roux, dont l'air insolent et tapageur n'avait en effet rien de rassurant, alors surtout qu'il fallait faire 50 kilomètres en sa compagnie. Mais elle se gourmanda de ce premier mouvement de répulsion. Elle ne pouvait pas exiger d'un cocher de louage la tenue décente et l'air convenable d'un domestique de bonne maison. Qu'avait-elle à craindre en plein jour, sur la grande route? Elle était à peine au début de son voyage. Si elle prenait peur ainsi à propos de tout, elle n'arriverait jamais. Il était urgent qu'elle ne perdît pas son temps à Blaye, où l'on pouvait venir la chercher. Elle monta en voiture. Elle avait si grande hâte de partir qu'elle n'avait pas pris le temps de déjeuner. Elle avait acheté seulement un petit pain. Une fois qu'elle fut sortie de la ville, elle se mit à manger son pain. Son cocher n'avait rien de l'honnête paysan qui l'avait amené à la marque. Il ne sifflait pas, et au lieu de regarder toujours ses chevaux ou la route, il regardait à chaque instant dans la voiture. Assis de côté sur son siège, les jambes croisées, le chapeau de paille en arrière dans la pose que devait prendre le postillon de Longjumeau lorsqu'il conduisait une dame de haut parage, il était très commodément placé pour diriger ses chevaux et en même temps pour faire la conversation avec sa voyageuse si celle-ci voulait parler. Mais Marthe n'en avait aucune envie. Elle mangeait son pain par petits morceaux et elle regardait au loin dans la campagne comme si elle prenait un intérêt extrême à suivre le vol des alouettes et le balancement des arbres doucement secoués par le vent. « Cela me fait deuil, dit le cocher, de voir une dame manger comme ça son pain sans boire. Dans un quart d'heure, nous serons au soleil levant. Le vin y est bon, on pourrait arrêter. Je suis pressé. Ça ne ferait pas perdre de temps. Merci, mais je n'ai pas soif. Ce que je vous en disais, c'était pour vous obliger. Ça ne vous va pas, c'est bon. » Et se retournant vers ses chevaux, il leur cingla une raclée de coups de fouet qui leur fit prendre le galop. La voiture allait d'un bord à l'autre de la route. Marthe n'était pas peureuse, cependant les secousses de la voiture étaient telles qu'elle se cramponna instinctivement à la banquette. « Vous trouvez que nous allons trop vite ?» dit le cocher, après s'être amusé un moment de sa peur, qui le faisait rire aux éclats. « Je ne veux pas contrarier une jolie dame comme vous. Allons plus doucement. » Et il mit ses chevaux au pas. Tout cela n'était point fait pour rassurer Marthe. Mais ce qui l'inquiétait plus que tout encore, c'était les yeux que de temps en temps il lui lançait. Il avait une façon de la regarder en se frottant le menton de la main droite qui la glaçait. Heureusement, cette partie du Blayet qui confine au Cubzadet est couverte de villages, Plassac, Villeneuve, Bayon, Bourg, et sur la route, on ne parcourt pas de longues distances sans rencontrer des maisons. Avec quelle anxiété Marthe regardait celle qu'elle venait de dépasser, et avec quelle impatience elle cherchait loin celle qu'elle allait atteindre. En traversant l'un de ces villages, Marthe s'enhardit et lui demanda de prendre une allure régulière. « Je vais au galop, vous n'êtes pas contente. Je vais au pas, vous n'êtes pas contente. Vous êtes difficile, savez-vous? Enfin, ça se comprend, vous en avez le droit. Si j'étais un homme, ce que vous êtes en femme, je ferais ma tête aussi, car à vrai de vrai, vous êtes la plus jolie femme que j'ai jamais conduite. » Disant cela, il la regarda en clignant de l'œil et en frottant sa barbe rousse avec le manche de son fouet. Bientôt, on aperçut les premières maisons de Saint-André de Cubzac. Alors il se tourna de nouveau vers Marthe. « Vous savez, je ne suis pas comme vous. Je ne peux pas faire la route sans boire. Nous allons rester un moment à l'hôtel Bergerot. Nous avons encore 25 kilomètres avant d'atteindre Libourne. Mes chevaux ont besoin de souffler, et moi j'ai besoin de prendre des forces. » Il accompagna ces paroles de son mauvais sourire, et Marthe descendit de la voiture en se demandant si elle ne ferait pas bien de renvoyer ce cocher à Blaye et d'en chercher un autre. Comme elle agitait cette question en marchant devant l'hôtel, elle vit sortir du bureau des voitures une femme de la campagne qui portait un petit enfant dans son bras et à la main un paquet de vêtements noués dans un châle. « Quel malheur !» disait cette femme. « Quel malheur !» Marthe s'approcha d'elle, car elle n'était point à l'âge où nos propres souffrances nous rendent insensibles aux souffrances des autres. Elle la questionna, et elle apprit que cette paysanne se désolait parce qu'il n'y avait plus de voiture pour aller à la station de la Grave d'Ambarès. De lieu, c'était bien long, avec son enfant et son paquet à porter. Ce fut une inspiration pour Marthe. Peu lui importait de prendre le chemin de fer à Libourne ou à la Grave d'Ambarès. Elle décida qu'elle irait à cette dernière station et qu'elle ferait monter la paysanne dans sa voiture. Par ce moyen, elle ne serait plus seule avec son horrible cocher. Quand celui-ci apprit ce changement d'itinéraire, il se mit à jurer comme un diable. Il était loué pour aller à Libourne, il voulait aller à Libourne, bien que la route fût plus longue. Il était loué pour porter une personne, il n'en voulait pas deux dans sa voiture, surtout il ne voulait pas d'enfant. Cependant, il fallut bien qu'à la fin il céda. Comme à son ordinaire, il se vengea sur ses chevaux. En moins de 3 quarts d'heure, Marthe, accompagnée de sa paysanne, arriva à la Grave d'Ambarès. Alors elle respira et elle s'avoua elle-même la peur qu'elle avait eue. À force de tourner et retourner son plan, Marthe avait fini par le perfectionner. Elle fit prendre 2 places de 3e classe par la paysanne pour Coutras, et elle en prit elle-même 1 de 1ère pour Paris. Si on la suivait jusqu'à la Grave d'Ambarès, et si l'on faisait des recherches pour savoir où elle était, ce billet pris pour Paris donna le change, bien certainement, sur sa véritable direction. En montant dans son wagon de 3e avec sa compagne qui la bénissait, elle s'applaudit de cette idée, et de fait, pour une jeune fille à ses débuts, ce n'était pas mal combiné, car dans les voyageurs qui arrivaient de Bordeaux, elle aperçut plusieurs figures de connaissances. Heureusement, ces voyageurs occupaient des wagons de 1ère classe. Qu'eût-elle répondu à leurs interrogations s'ils s'étaient rencontrés avec eux dans le même compartiment? Il lui fallut parler. Que dire? En 3e, ce danger était évité. De la Grave d'Ambarès à Périgueux, son voyage se fit sans incident. Mais à Périgueux, elle se trouva en face d'une difficulté qu'elle n'avait pas prévue, car elle avait organisé son plan au hasard et sans indicateur. Il n'y avait plus de train pour Agen, et il fallait attendre le lendemain, c'est-à-dire qu'il fallait coucher à Périgueux. S'il était désagréable de voyager seul en chemin de fer et en voiture, l'idée de coucher seul dans un hôtel était assez inquiétante. Cependant, il fallait bien qu'elle s'y résignât. Un omnibus était dans la cour de la gare, elle y monta et se laissa conduire au premier hôtel qui se trouva sur son chemin. Elle était loin d'être rassurée, mais précisément parce qu'elle était tremblante, elle tâcha de prendre une attitude déterminée. Lorsqu'elle descendit d'omnibus, elle se tenait si roide, il faisait de tels pas qu'on devait la prendre pour une Anglaise. « Madame arrive bien, » dit la maîtresse d'hôtel qui l'a reçue, « on va servir la table d'hôte. » Dîner à table d'hôte, c'était trop. Elle demanda qu'on la servît dans sa chambre. Ce n'était pas la première fois que Marthe se trouvait dans une chambre d'hôtel, mais c'était la première fois qu'elle s'y trouvait seule, sans son père, sa belle-mère ou des domestiques auprès d'elle. Lorsque la porte fut fermée, elle se laissa aller à l'émotion qui l'étreignait, et s'étant assise sur une chaise, elle réfléchit tristement. Son cœur était gonflé, elle n'avait plus le mouvement du voyage pour la secouer, l'imminence du danger ne la surexcitait plus, elle s'abandonna. Bientôt un domestique, en frappant à la porte, la tira de son abattement. Il entra, portant un registre à la main. « C'est pour le nom de madame, » dit-il. « Son nom. » Elle n'avait pas pensé à cela. Cette demande la surprit et l'interloqua. Cependant, elle se remit. « Madame Philippe, » dit-elle. « Le domicile, Paris. » Serait-elle jamais la femme de Philippe? Au moins, elle l'aurait été une fois. Et ce triste voyage qu'elle faisait pour lui, elle l'aurait fait sous son nom. Cette idée la remonta. Cependant, la soirée fut longue. Elle ne pensa pas seulement à Philippe, elle pensa aussi à son père, et par l'esprit, elle revint à Châteaupignon. ses pensées n'étaient pas de nature à la disposer au sommeil, et malgré sa fatigue, elle ne sentait nulle envie de dormir. Et puis, elle était tremblante d'une crainte vague, contre laquelle il lui était impossible de réagir. Cette chambre d'hôtel lui faisait froid, ses portes mal closes l'inquiétaient, les bruits du corridor et des chambres voisines la faisaient à chaque instant tressaillir. Cependant, les heures s'écoulaient et la nuit s'avançait. Alors elle posa les deux bougies allumées sur la table, puis ayant entassé toutes les chaises devant la porte, elle s'assit dans un fauteuil au milieu de la chambre, décidée à attendre là le jour, enveloppée dans son manteau.